Judex par Arthur Bernède. Premier épisode, L'ombre mystérieuse. Chapitre 1er, Le cheminot du destin. Sur les bords de la Seine, entre Mantes et Bonnières, presque en face du château des Sablons, dont la silhouette imposante se dessine somptueusement au milieu des frondaisons d'un parc immense, un cheminot, au visage ravagé par la fatigue et la misère, examinait d'un air sombre un vieux moulin, jeté sur un des bras du fleuve et qui, depuis longtemps abandonné, disparaissait aux trois quarts sous un inextricable fouillis de vignes vierges et de lierre. Bientôt, un sanglot douloureux secoua la poitrine du vagabond. « Dire que tout cela a été à moi, » s'écria-t-il, « ma pauvre femme, mon fils, tout mon passé, tout mon bonheur. Mieux vaudrait en finir tout de suite. Mais je n'ai pas le droit de me tuer. J'ai mon fils à sauver, mon fils. Allons, courage. » « Il le faut, oui, courage. » Après avoir enveloppé d'un regard noyé de larmes ce coin agreste qu'éveillait en lui de si poignants souvenirs, l'inconnu traversa la route, s'arrêta devant une grille monumentale dont les dorures étincelaient sous les rayons d'un clair soleil de juin, et se mit à contempler, à travers les barreaux, avec une sorte d'avidité farouche, les allées aux cailloux fins, les pelouses émaillées de fleurs rares, les belles statues toutes blanches, et la demeure vraiment princière devant laquelle, dans un vaste bassin de marbre, des cygnes nageaient majestueusement, parmi le jaillissement svelte et continu d'un jet d'eau digne du palais de Versailles. Au lointain, c'était le murmure d'un orchestre au rythme enveloppant et tendre, et dans l'intervalle des bosquets, des couples, tous de jeunesse et d'élégance, tournoyaient, enlacés en une danse de printemps et d'amour. Les larmes du cheminot s'étaient séchées. Maintenant, ce n'était plus du désespoir que reflétaient ses yeux. C'était une haine grandiose, superbe, qui donnait à ses traits une expression de noblesse en même temps que de mystère et le faisait ressembler à quelque envoyé du destin venu pour troubler la fête. Un homme d'un certain âge, à la barbe et aux cheveux blancs, d'allure distinguée, mais d'apparence frêle et délicate, s'approcha, demandant au vagabond, sur un ton de bienveillante pitié, « Que voulez-vous, mon brave ? Parlez au banquier Favreau. « Monsieur Favreau est très occupé. Je suis son secrétaire, et je puis peut-être, » tirant de sa poche une pièce d'argent, Balière la tendit au vagabond qui protesta aussitôt avec une énergie farouche. « Je ne demande pas l'aumône. Je vous répète qu'il faut que je parle à Monsieur Favreau. » Comprenant qu'il se heurterait à une volonté inébranlable, Balière s'en fut rejoindre le banquier. À l'écart de ses invités, dans un discret berceau de verdure, où l'on apercevait un panorama splendide auquel, presque au premier plan, le vieux moulin aux trois quarts ruiné ajoutait une note charmante et pittoresque, Favreau se pencha amoureusement vers une fort jolie personne à la mise très simple et au maintien réservé. « Monsieur, » annonça le secrétaire, « il y a devant le portail un homme que je ne connais pas et qui insiste vivement pour vous voir. » Avec un geste d'impatience, M. Favreau, dont la maturité robuste, la sombre élégance, le visage glabre et le regard d'acier en faisaient le prototype de nos grands marchands d'or moderne, demanda sèchement. « Quel est cet individu ?»« Un cheminot, monsieur. »« Un cheminot, et c'est pour ça que vous me dérangez. »« Ce malheureux paraît très excité, et j'ai craint qu'il ne se livrât à quelque extravagance. » À ces mots, un nuage rapide passa sur le front du banquier. Puis, tout en enveloppant d'un regard de passion violente la très séduisante créature qui se trouvait près de lui, il fit d'une voix dont il s'efforçait d'atténuer la rudesse naturelle. « Vous permettez, ma chère amie. »« Je vous en prie, » répliqua la jeune femme en baissant avec modestie ses yeux qu'elle avait noirs et profonds. Favreau, accompagné par son secrétaire, s'avança d'un pas résolu vers le portail, devant lequel le vieil inconnu attendait, et tout de suite, arrogamment, il interpella. « Que me voulez-vous, bonhomme ?» Jetant à terre son chapeau de feutre jauni par les intempéries, et découvrant un visage torturé par la plus atroce des douleurs, le cheminot s'écria « Vous ne me reconnaissez pas. Je ne vous ai jamais vu. Je suis Pierre Kerjean. »« Pierre Kerjean ?» répéta le banquier, qui ne put réprimer un léger tressaillement. « Allons, » continua le vagabond, « rappelez-vous, monsieur Favreau, j'étais jadis un honnête homme. Je possédais tout près d'ici, de l'autre côté de la route, un moulin, quelques terres. Je vivais heureux, avec ma femme et mon enfant. Un jour, vous êtes arrivé dans le pays. Vous avez acheté cette propriété des Sablons. Pour agrandir vos domaines, vous m'avez demandé de vous vendre mon bien. Séduit par la somme importante que vous me proposiez, je vous ai cédé. puis endoctriné par vos belles paroles, je vous ai confié mon argent. Alors, non seulement vous m'avez ruiné, mais vous êtes cause que je me suis laissé entraîner, moi, un brave homme, à des spéculations hasardeuses et même à des actes malhonnêtes. Seulement, je n'ai pas eu autant de chance que vous. Je me suis fait prendre, tout de suite, c'était fatal. J'étais condamné à 20 ans de travaux forcés. Ma femme est morte de douleur et de honte. Et je ne suis sorti du bagne que pour apprendre à la mairie de ce village que mon fils, laissé seul, livré à lui-même, était devenu un scélérat. Et après ? Bravait insolemment le banquier qui s'était ressaisi. « Je ne vous réclame pas d'argent, » poursuivit le vieux, « je ne veux même pas me venger. J'exige simplement que vous m'aidiez à retrouver mon fils et à le sauver. » « Je ne sais pas ce que vous voulez dire. »« Tu ne sais pas ?» rugit le cheminot en avançant le poing à travers les barreaux. « Tu es donc encore plus misérable que je ne le pensais. »« Si vous avez des droits à faire valoir, adressez-vous à la justice. »« La justice ?» ricana l'ex-forçat. « Ah, je la connais, la justice. Pendant 20 ans, elle a fait de moi un damné, tandis que toi, le vrai, le principal coupable, tu continues à t'enrichir avec le bien des autres, accumulant sur ton passage toutes les ruines et tous les désastres. Quand je viens te réclamer un peu de pitié, tu me dis de m'adresser à la justice. Tu veux donc m'écraser jusqu'au bout? Ah, c'est facile, c'est abominable. Puisqu'il en est ainsi, le peu de temps qui me reste à vivre, je veux le consacrer à te haïr. Oui, chaque jour et à chaque heure, tu me verras me dresser devant toi, reproche vivant de tes crimes et de tes infamies. Tu m'entendras te crier. Tu n'es qu'un voleur et un bandit. » Tandis que Favreau, haussant les épaules d'un air méprisant, s'éloignait de la grille, et que Vallière, avec des paroles pleines de mansuétude et de pitié, s'efforçait de calmer la colère du vieux Kerjean, celui-ci eut un dernier rugissement. « Sois maudit, banquier Favreau, sois maudit à jamais !» Puis ramassant son chapeau et remontant sa besace, il reprit sa route, tout en grinçant entre ses dents. « Je me vengerai, oui, je me vengerai. » Cet effort l'avait brisé. À peine eut-il parcouru un demi-kilomètre qu'il dut s'arrêter. S'effondrant sur un tas de pierres, laissant tomber près de lui son sac et son bâton, la tête entre les mains, il se mit à pleurer, évoquant comme à travers un lointain brouillard les années heureuses, hélas, si vite envolées. Tout à coup, Kerjean tressaillit. Le grondement rapproché d'une automobile venait de lui faire redresser la tête. Un cri rauque lui échappa. « Favreau !» Sur le siège d'une luxueuse 40 HP, au volant, à 50 mètres de lui, le vieux Kerjean venait de reconnaître son ennemi. Alors, affolé de la haine la plus terrible que jamais il eût serré un cœur, il s'élança vers la voiture en clamant, les bras tendus en avant, « Canaille ! Canaille !» Le malheureux, happé par une des ailes du véhicule, tomba sous les roues, tandis que le banquier, qui n'avait même pas appuyé sur la pédale de frein, continuait son chemin, sans s'inquiéter le moindrement de celui qu'il venait d'écraser, et qu'il laissait sur la route blanche, déserte et bientôt tachée d'une mare de sang. Presque aussitôt, le vieux Kerjean rouvrit les paupières. Il eut encore la force de se soulever et d'apercevoir au loin, dans un nuage de poussière, l'auto qui emportait son bourreau, son assassin. Le regard vitreux, la bouche tordue en un spasme suprême, il retomba en arrière, le visage tourné vers le ciel, et râlant en un cri d'agonie, « Dieu te punira ! Dieu te punira !»